Le spectacle de chant et de danse de la troupe artistique des Coréens au Japon pour célébrer le jour anniversaire du général Kim Jong-il, ce thème, pour rejoindre le Giron du Soleil, s'est tenu le 14 au Grand Théâtre de Pyongyang. Le spectacle traduit la fidélité des permanents de la Chongyun, Association Générale des Coréens restant au Japon, et des autres Coréens au Japon, déterminés à honorer à jamais le général Kim Jong-il comme soleil éternel de la grande puissance Paektusan, et rester toujours patriotes, suivant la direction éminente du dirigeant suprême Kim Jong-un. Y ont assisté des cadres intéressés et des citadins.